Chapitre 20e. C'était l'habitude que tous les ans, Sébastien et Frédéric allaient passer leurs grandes vacances à Cordes, dans le Tarn, chez leur tante. Ils avaient là 6 ou 7 semaines de vie en plein air et de plaisir, d'amusement, que leur tante s'ingéniait leur varier chaque jour. Ne négligeant rien pour leur être agréable, leur prouvant sa tendresse de 1000 manières, sa sollicitude, son affection vraiment maternelle. Pour bien des raisons, M. de Mussidan était satisfait de ses voyages. D'abord, il le débarrassait de ses fils, dont il n'aurait su que faire pendant ces 2 mois, comment les amuser, comment les loger. Puis, au retour, il lui donnait des nouvelles précises de la santé de cette tante à héritage, qui lui permettait de contrôler celle qu'un clerc de notaire de Cordes lui envoyait périodiquement le 1er, le 15 de chaque mois, et en plus toutes les fois qu'il y avait besoin. Il avait fait un traité avec ce clerc de notaire, un petit homme mystérieux qu'on croyait prêtre défroqué, nommé Cédou, et celui-ci, moyennant un tantième sur la succession de Mademoiselle de Puylaurens, payable seulement à l'ouverture de cette succession, s'était engagé à tenir le neveu au courant de tout ce qui arrivait à la tante en bien ou en mal. C'était un journal que ses lettres tenues avec une régularité méticuleuse et qui ne mettait rien d'essentiel. 1er janvier, Mademoiselle X enrhumée. 2. Le docteur Azéma lui a fait 2 visites, ne trouvant pas son état grave. 3. Prend médecine, 45 grammes d'huile de ricin. 4. Est très entouré par le vicaire, M. Cabrol, les sœurs Sainte-Eulalie et Sainte-Scolastique. 5. Fait appeler son notaire. De l'enquête à laquelle on s'est livré dans l'étude de celui-ci, il résulte qu'il n'a pas été question de disposition testamentaire, mais seulement de compte avec divers. 6. Convalescence. 7. Idem. 8. Première sortie, assiste à la messe. Tous les 15 jours, M. de Mussidan était donc renseigné par lettre affranchie, et il pouvait ainsi calculer si le moment qu'il attendait avec tant d'impatience approchait ou reculait. Mais enfin, il était bien aise que ce journal, un peu sec dans sa monotonie, fût complété par des détails plus vivants, et ces détails, Sébastien et Frédéric, après un séjour de 2 mois à Cordes, les lui donnaient tels qu'ils les voulaient. La maladie ordinaire de Mademoiselle de Puylaurens, c'était le rhume qu'elle avait presque continuellement, aussi bien en été qu'en hiver. Et les interrogations qu'il leur adressait portaient généralement sur les résultats que ces rhumes répétés devaient, selon lui, produire chez une personne de 55 ans qui ne mangeait guère et dormait peu. À sa question « Comment se trouve votre tante ?», les enfants répondaient toujours « Très bien ». Mais ne s'en tenant pas là, ils précisaient sur les points caractéristiques ce qui l'intéressait. « Est-ce qu'elle faisait des excursions avec vous, votre tante, pendant votre séjour à Luchon ?»« Toujours. Au lac d'eau, à la vallée du Lys, au Portillon. » »« Je ne parle pas des grandes excursions en voiture, mais des petites à pied. » Elle est venue avec nous à la tour du Castelviel, à la chapelle de Saint-Aventin. Elle peut monter? En allant doucement, oui. Est-ce qu'elle souffre beaucoup en montant? Elle s'arrête souvent pour prendre sa respiration. Tousse-t-elle souvent? Le soir, oui, après dîner. A-t-elle souvent la voix couverte? Quelquefois, quand elle a longtemps parlé. A-t-elle les mains chaudes? Très chaudes. A-t-elle maigri? Elle est toujours maigre. Est-elle plus maigre cette année qu'elle ne l'était l'année dernière? Et ainsi, longuement, sur tout et à propos de tout. De leur réponse, qui confirmait la lettre de son clerc de notaire, il avait conclu cette année-là qu'elle ne passerait pas l'hiver, sans se rappeler que l'année précédente il avait émis la même prédiction, et aussi 2 ans auparavant. Il attendait son héritage, elle devait mourir. Elle était coupable d'un véritable vol envers lui en vivant encore. Il était si bien sûr de cette mort prochaine, très prochaine, et de son entrée en possession de son héritage, qu'il avait choisi l'hôtel qu'il habiterait. L'âge des folies était passé pour lui, et cet hôtel n'avait rien de luxueux, simplement élégant et décent, rue Galilée, entre l'avenue d'Iéna et les Champs-Élysées. Il en avait surveillé la construction et même, il avait plusieurs fois pressé l'entrepreneur qui le bâtissait pour le vendre, et qui, en entendant parler de ses projets, avait cru avoir affaire à un acquéreur sérieux. Il avait donné ses idées pour la décoration des salons du rez-de-chaussée et aussi l'installation des écuries. De même, il avait visité tous les carrossiers du quartier des Champs-Élysées pour choisir celui qui, décidément, aurait l'honneur de lui fournir ses voitures, car pour cela, il tenait à une correction irréprochable. Il voulait ce qui se fait de mieux à Paris. On ne se trompe jamais sur le goût et l'éducation d'un homme en les jugeant d'après sa voiture, ses chevaux et ses gens. Quant à Angélique et à sa fille, son plan aussi était arrêté. Bien entendu, il n'introduisait pas cette pauvre petite dans son hôtel de la rue Galilée. Qui ferait-elle, bon Dieu ? Mais il constitua son profit une rente incessible et insaisissable, de façon à ce qu'elle eût une existence convenable et pût élever sa fille honorablement. Elle verrait qu'il savait reconnaître ce qu'on avait été et ce qu'on avait fait pour lui. Elle avait de l'ordre, elle n'était pas dépensière. Il pouvait donc, en plus, lui donner un petit capital avec lequel elle trouverait un brave garçon qui l'épouserait et légitimerait son enfant. Voilà comment on se conduit quand on est un galant homme. Au milieu de ces projets bâtis, croyait-il, sur la réalité, il fut tout surpris un jour de trouver rue Drouot, au Crédit Financier, une lettre de son clerc de notaire lui annonçant que Mademoiselle de Pilorens venait de quitter Cordes pour se rendre à Paris, accompagnée de son valet de chambre, le fidèle Buvat. Pourquoi entreprenait-elle ce voyage ? On n'en savait rien à Cordes, mais on supposait que c'était pour consulter un médecin parisien, sa santé étant de plus en plus affaiblie. Et ce qui donnait une certaine vraisemblance à cette idée, c'était une brouille qui avait éclaté en ces derniers temps entre Mademoiselle de Pilorens et son médecin, qui voulait l'empêcher de se livrer à ses pratiques ordinaires de dévotion trop rigoureuses et trop fatigantes pour une malade. Cette supposition du correspondant de Cordes flattait trop bien les espérances de M. de Mussidan pour qu'il ne l'accepta pas sans chercher d'autres explications à ce voyage. C'était une consultation qu'elle venait demander au médecin de Paris. Quelle niaiserie ! Quand elle consulterait la faculté entière, cela ne prolongerait pas sa vie d'une heure. Au contraire, cela l'abrégerait sans doute. Ses médecins allaient vouloir lui imposer quelques médications nouvelles qui la tueraient infailliblement. Est-ce qu'elle pouvait vivre ? Elle était usée. Il ne s'était donc pas inquiété de ce voyage de sa tante à Paris, n'ayant qu'un regret, celui de ne pas l'avoir pour juger par lui-même de son état et se fixer une date à peu près certaine pour son deuil, car il porterait le deuil de la chère tante, avec plaisir, mais bien entendu sans supprimer la doublure en velours de sa limousine qui était une sorte de signature. Il avait reçu cette lettre depuis 4 jours quand Angélique lui annonça qu'en son absence, il était venu un singulier client lui apporter un cachemire à réparer. Le cachemire était fort beau, et il y avait pour 100 francs de réparation à faire dessus. « Eh bien, tant mieux, » dit-il d'un air maussade, car rien ne lui était plus désagréable que d'entendre parler de travail. Cela le blessait, l'humiliait. Ce qui avait surpris Angélique, ce n'avait pas été la visite de ce client connu, qui n'avait pas voulu dire qu'il envoyait, mais sa curiosité, ses questions sur ce qu'elle gagnait, sur ce qu'elle faisait, sur sa vie, sur sa famille. Et sur moi ? Il ne m'a pas parlé de vous, mais il a beaucoup regardé la petite dans son berceau. Il m'a demandé son nom, et quand je lui ai dit qu'elle s'appelait Geneviève, il a dit que c'était un très joli nom. Et comment se nomme-t-il, ce monsieur ? Monsieur Nicole. Où demeure-t-il ? Il ne m'a pas donné son adresse. Il viendra chercher lui-même son châle. Quel homme est-ce ? 40 ans, l'air d'un homme d'église, un sacristain. Jamais monsieur de Mussidan ne recevait de lettre avenue des Tilleuls. 2 jours après cet entretien, le marchand de vin l'appela pour lui remettre une adressée à M. Passereau. Très étonné, il l'ouvrit. « Mademoiselle de Pilorens désire avoir un entretien avec M. le comte de Mussidan. Elle sera chez elle, hôtel du Bon La Fontaine, vendredi et samedi, de 4 à 6 heures. » Que pouvait-elle lui vouloir ? Se réconcilier avec lui, peut-être. Si cela était, il faudrait qu'elle commençât par lui faire des excuses, de vraies excuses.